Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 24. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 19 février 2006, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es gros pédigré. Tu es rentemplant, tu es chien-chien sa mémère, tu es tatoué, tu es coucouche panier et tu es aussi... Allez, viens ici. Allez, viens, mais qu'est-ce qu'il y a, mais qui est con ce chien là ? Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, tu es espèce canine, tu es gros toutou. Depuis 3 semaines, selon le calendrier chinois, nous sommes entrés dans l'année du chien, comme chacun sait, le meilleur ami de l'homme. En France, on compte environ aujourd'hui 8 millions de clébards, ce qui fait de nous le premier pays en termes de population canine. Du fox terrier au dog allemand, du chihuahua au teckel, oui, tu as le choix. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore les joies d'aller faire pisser son chien le soir, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin d'essayer de les convaincre d'adopter un nouveau compagnon, un cornio. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de ton chien. Pour commencer, il faut se souvenir de l'histoire merveilleuse qui unit l'homme et le chien. Ensuite, il faudra t'expliquer en quoi consiste exactement la vie d'un clébard. On enchaînera sur une interview exclusive de François Morel, comédien emblématique de la troupe des Deschiens. Et puis, nous découvrirons ensemble les résultats du grand concours canin organisé entre les chiens des différents candidats à la prochaine élection présidentielle. Et enfin, te raconter comment notre Monique est allée à la SPA le week-end dernier pour adopter un nouveau compagnon canin joyeux et fidèle qu'elle voulait offrir à Jean-Claude. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques, on est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr monte le son et trémousse-toi en balançant la papatte. Thank you. You're the one that I want, chante John Travolta et Olivia Newton-John en 1978 dans la comédie musicale Grease. Tu es celui que je veux, c'est le cri que l'on pousse devant les chiots de la SPA. Mais attention, adopter, c'est une responsabilité. Et ton chien, il faut souvent l'emmener se promener, sinon il risque de faire de la graisse. Alors, pour commencer notre exploration de la planète canine, la panique au Mangin Palace a cherché les origines de cette belle amitié entre l'homme et le chien. Il faut tout d'abord savoir que le chien fut le premier animal domestiqué par l'homme vers 10 000 avant Jésus-Christ, soit environ 6 000 ans avant le cheval. Nos chiens descendent des loups domestiqués par les hommes préhistoriques. Les sélections et les croisements ont fait naître les races actuelles. Et oui, nos chiens sont les cousins des loups et des renards restés sauvages. Je m'appelle Rox. Moi, je suis un renard. Et toi, t'es quoi ? Mon nom, c'est Rookie. Et moi, je suis un chien de chasse. Je parie que tu joues bien au cache-cache. Moi aussi, on joue, tu veux ? Oui, si j'utilise mon flair. Oh, c'est pas vrai. Salaud. Un renard et un chien qui jouent ensemble. Le renard et le loup restent sauvages, tandis que le chien est donc très tôt domestiqué par l'homme. Les Égyptiens firent du chien le dieu des morts, appelé Anubis, au corps d'homme et à la tête de chacal. Chez les Grecs, dans l'Antiquité, les enfers étaient gardés par Cerbère, un chien à trois têtes qui dévorait tous ceux qui tentaient de s'enfuir de l'enfer. Cette association antique du chien et de la mort se retrouve parfois aujourd'hui, comme dans ce discours mémorable du 4 mai 1993. Son action m'autorise à redire aujourd'hui la capacité de l'homme d'État, l'honnêteté du citoyen qui a préféré mourir plutôt que de subir l'affront du doute. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie, au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Les chiens sont donc parfois liés à la haine. Le chien est alors un personnage méprisable et dangereux, vestige sans doute de son passé de loup. Mais dès l'Antiquité, le chien fut surtout associé au dévouement. Le chien est un fidèle collaborateur des hommes dans ses activités comme gardien de troupeau, chien de chasse ou de garde. Et oui, le chien est associé à l'homme dans tout type de travaux, comme te l'explique en 1957 Constantin Jarnéco qui te parle de Moscou. Ici Constantin Jarnéco qui vous parle de Moscou. En cette dernière journée de célébration du 40e anniversaire de la Révolution, on attend impatiemment à Moscou de connaître le sort du plus fameux petit chien du monde, Laïka, qui à bord du Spoutnik numéro 2 fut le premier être vivant à franchir les limites de l'atmosphère terrestre. Aucune indication ne peut être obtenue à ce sujet pour le moment. Aussi, seul le communiqué officiel qui contiendra prochainement Ponston des indications sur ce point permettra de savoir si le premier petit voyageur de l'espace a été ramené sain et sauf sur Terre ou si au contraire, il compte désormais au nombre des victimes de la science. Eh oui, Laïka fut donc le premier être vivant à aller dans l'espace. Mais elle ne fut pas le premier être vivant à revenir sur Terre. Le satellite Spoutnik n'était pas prévu pour que l'on puisse récupérer Laïka qui mourut dans l'espace. Mais en 1960, les deux chiens Belka et Strelka, envoyés dans le satellite Spoutnik 5, furent eux récupérés. L'année suivante, Khrouchtchev offrit un petit de Strelka, une des deux chiennes de l'espace, à la fille du président Kennedy. Mais attention, la vie de chien de président, ça va être parfois compliqué, comme à l'Elysée en décembre 1978. Le Conseil des ministres au champ, ce matin, il s'est tenu exceptionnellement à Marly-le-Roi, l'Élysée étant occupée aujourd'hui par le Père Noël. 480 enfants choisis parmi les plus méritants et les moins favorisés sont venus chercher leurs petits cadeaux. En prime, ils ont eu droit à un spectacle tout à fait inhabituel, le président Giscard d'Estaing présentant ses deux chiens, Jugurtha et Samba. Alors vous allez dire quel est le chien le moins savant ? Il y en a un qui s'appelle Jugurtha, qui est celui-là. Et le noir ? et le noir, il s'appelle Samba. Alors, je vais d'abord faire travailler Jugurtha. Voilà, vous avez vu travailler Jugurtha. Maintenant, je vais faire travailler Samba. Alors, comme moi, je suis un petit peu enroué, ils ne peuvent pas vous dire, je ne peux pas vous dire bon Noël. Alors, vous allez les entendre, ils vont vous dire bon Noël. Vous comptez avec moi, faites deux, je crois. Bon Noël! Oui, quand Jugurtha parle, on dirait la voix de son maître. La voix de son maître. Bon, les chiens ne sont pas seulement destinés à servir d'amuse-enfants au Noël de l'Élysée. Du chien d'aveugle au chien de montagne, du chien de berger au chien de garde, les chiens vivent auprès des hommes et leur apportent une aide précieuse. Mais dès le 19e siècle, avec la naissance des loisirs, se développe une autre fonction du chien, jusqu'alors réservée à l'élite, à savoir le chien de compagnie. Et oui, parce que le chien, c'est le plus fidèle compagnon de l'homme. Mon vieux pâteau, toi qui es qu'une bête, t'es bien meilleur que certaines gens. T'as pas de sous de malice en tête, quand tu veux mordre, on voit tes dents. Tandis que les hommes, bêtes à deux pattes, sous des sourires cachant leurs crocs, à l'instant même où ça vous flatte, ça vous mangerait cœur et boyaux. Personne nous de pâteau n'a pu nous humilier. Moi je n'ai jamais eu de mal. Et toi, t'as pas de collier. Ainsi, des millions d'hommes et de femmes sur cette terre ont connu la fidélité et le dévouement à travers des générations de Milord, d'Azor, de Rex et d'autres pâteaux. C'est donc au 19e siècle que l'intérêt pour les animaux de compagnie se développe. Le phénomène est plutôt citadin et c'est alors que se mettent en place des distinctions entre les races que nous connaissons encore aujourd'hui. Le 19e siècle, c'est donc le siècle du souci du chien. En 1845 est ainsi créée la SPA, la Société Protectrice des Animaux. Et oui, la protection des animaux, c'est une préoccupation ancienne, toujours d'actualité, et qui parfois va se nicher là où on ne l'attend pas. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, ay, Brigitte Bardot, bravo. Toi, toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui seras toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. La SPA a été reconnue d'utilité publique par Napoléon III. En 1860, ses missions visent à lutter contre les maltraitances animales et à favoriser l'adoption des chiens et des chats. Et oui, la SPA, elle fait tout pour que les chiens n'errent pas souvent dans la ville en hiver. Je marche souvent dans la ville Montréal en hiver, ça rend solitaire. Pas un sou en poche, que des cigarettes, les refrains s'empile dans ma tête. Du, du, du, du, du. C'est le bonheur qu'on gère en silence. Comment c'est aujourd'hui en Angleterre? gère. C'est ce que chante Dumas sur son album Le cours des jours. Parce qu'au fil du temps, quand ton chien te gonfle, il arrive parfois que tu l'abandonnes lâchement sur une aire d'autoroute pendant les vacances. Et après, eh ben, quand une caravane passe, ton chien, il aboie. Alors, pour continuer notre chemin dans l'univers canin, après avoir dégrossi l'histoire merveilleuse qui unit l'homme et le chien, il est temps maintenant de découvrir à quoi peut ressembler l'existence d'un clébard. Oui, c'est quoi exactement une vie de chien ? Pour commencer, tout dépend naturellement de ton pédigré. Autrement dit, du document généalogique qui atteste l'origine de ta naissance. Ainsi, tu es pure race ou tu es bâtard. Et comme chez nous, les humains, cette origine va alors marquer le reste de ta chienne de vie. Mais quoi qu'il en soit, le destin d'un chien, c'est de vivre auprès de son maître, avec dévouement et fidélité. C'est alors qu'en général, après avoir été tatoué, sevré et vacciné, il est temps de quitter le chenil. Tu es encore un chiot et tu vas retrouver la chaleur d'un foyer pour le plus grand plaisir des enfants et des parents qui ont déjà acheté une babale et un panier. Reste alors à te trouver un nom. Et là, il y a parfois des choix bizarres. En tous les cas, il y a souvent débat. Con, pourquoi con ? Non, je dis pas que je trouve ça con, mais je dis juste que je trouve ça un peu spécial comme prénom Didier pour un chien. Appeler un chien Didier, c'est spécial. Je vois pas ce que ça a de spécial. Jean-Pierre, ça a de spécial que ça a de spécial. Me fais pas le mec qui trouve tout normal. Je vois pas pourquoi Didier, ce serait plus spécial que Médor. Ou Pompon. Vous trouvez ça, quoi, marrant, à la limite, mais spécial... Mais t'as le droit de lui mettre une plume dans le cul à ton chien, c'est marrant aussi. Non, non. Je suis désolé, Charlie, ça n'a aucun rapport. Mettre une plume dans le cul à un chien, c'est dégradant pour le chien. Là, y a rien de dégradant. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit d'appeler son chien Didier ? Non. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? T'es contre le chien qui s'appelle Didier ? Non, y a rien. Je trouve juste un peu limite de donner un prénom humain à un chien. Chaque année, on attribue une lettre de l'alphabet pour choisir le nom des chiens. Cette année, c'est le B. Alors, si Michel Alliomarie devait acheter un chien dans les mois qui viennent, eh ben, elle pourrait l'appeler Bérésina, par exemple. Toujours est-il qu'une fois adopté par le cercle familial, le chien est au centre de toutes les préoccupations, du moins au début. Ainsi, c'est toute la famille qui s'occupe du toutou. On prend soin de lui et surtout, on lui parle comme à un débile. La truffe sale et les papates mouillées, c'est le chien qui revient de promener. Boueux de la tête à l'arrière-train, c'est le chien qui revient du jardin. C'est l'heure de la toilette, lette, lette, c'est le babin du chien toutou. C'est l'heure de la toilette, lette, lette, la brosse, la doudouche et le shampoing. Après quelques mois de dressage, allez, donne la papate. Le chien sait désormais qu'il ne faut pas pisser sur le tapis du salon, et c'est tant mieux. Il est temps alors de rendre utile la présence du cabot dans la maison. Ainsi, il monte la garde, amuse les enfants, et un chien, ça permet aussi de vérifier l'orthophonie correcte de tes mômes. C'est un chasseur français sachant chasser son chien, sachant chasser dans les branchages desséchés. Le chien de chasse de sa chatte chasse pas et son chichi. Ce chien, quand il aboie, c'est le chien de sa chatte qui crie. Cela dit, très vite, la présence du chien devient encombrante. Il faut penser à le nourrir, à le sortir, à le soigner, à le toiletter. Bref, la vie d'un chien ressemble parfois à celle d'un enfant. Mais quand on décide de partir en vacances, on ne sait plus quoi en faire du chien. On préfère alors le laisser derrière soi. C'est ainsi qu'en août 1959, par exemple, ton chien se retrouve chez Madame Reynaud dans le bois de Boulogne. Nous avons découvert cette garderie de chiens dans le bois de Boulogne, non sans mal, je dois le dire, c'est pas très facile de la trouver. Je suis chez madame, comment vous appelez madame ? Madame Reynaud. Madame Reynaud, et vous gardez combien de chiens ? Je garde actuellement 6 chiens. Des chiens qui vous ont été confiés pendant les vacances ? Mais oui, monsieur. J'aperçois de la fenêtre un magnifique, c'est un ? Dalmatien. C'est un dalmatien, je crois que c'est une espèce très rare. Ah oui, c'est un chien anglais. Il vaut combien ? Oh, environ 35 000 francs, de 70 000 francs, vous savez, ce sont des... 70, des même 100 000. Oui, même 100 000. Et vous avez là-bas ce chien qui... C'est un Herdal. Et à gauche ? Un berger allemand. Un berger allemand. Mais dites-moi, ils n'ont pas l'air de faire très bon ménage, ils n'ont pas l'air de trouver la pension très agréable ici. Oh bien, c'est-à-dire je dois les séparer parce qu'il y en a qui sont plus ou moins capricieux, si on peut dire. Oui, et vous leur donnez bien à manger ? Oh oui. Quels sont les menus ? Du riz, des pâtes, de la viande, des légumes. Dites-moi, la pension vaut combien pour un chien par jour ? De 350, 400 francs, suivant le menu. Suivant le menu, car il y a des menus spéciaux, n'est-ce pas ? Naturellement, il y a des chiens qui ont des régimes. Comme cela, les propriétaires des chiens s'en séparent et consentent à payer 500, 600 francs par jour pour leur chien ? Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ces pauvres bêtes? Oui, naturellement. Eh oui, un chien, ça coûte cher. Surtout quand il a des régimes alimentaires, pépère. Mais bon, après ces quelques semaines de séparation, les retrouvailles avec son maître sont toujours un moment d'exaltation. Il jappe, il saute, il te colle ses grosses pattes boueuses sur ton costard beige, il remue la queue, bref, en un mot... C'est vrai qu'un chien, c'est fidèle. Au final, il passe toute sa vie à tes côtés, paisible, prêt à te défendre, à te comprendre. Il ne lui manquerait plus que la parole. Et certains humains seraient prêts à tout pour s'enrichir de la vie d'un chien. Anita, chérie. Ah, bonjour, Cruella. Quelle ravissante petite bête. Oui, elle est chou. Toute mouchetée. Oui, c'est une dalmatienne. Elle vous a inspiré. Oui. Poil long ou court? Court. Dur ou soyeux? Un peu dur, je dois dire. Dommage. Mais ils étaient soyeux quand elle était bébé. Nous sommes sauvés. Il faut que nous parlions entre femmes. Dans mon bureau, vite. Prenez vos croquis. Et je trouve ça follement amusant, pas vous? Quoi? Et voyons, si ce modèle est une réussite, on pensera que je me promène avec votre toutou sur le dos. Ouf, ouf, Alors, nous voilà arrivés à mi-parcours de notre émission et pour compléter notre regard sur le monde canin, nous avons joint cette semaine au téléphone un comédien emblématique de la troupe burlesque des Deschiens, le sympathique François Morel. Pour commencer, nous lui avons demandé s'il y avait des chiens chez lui quand il était môme. Réponse, juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. VIP. Il y avait un chien à la maison, mais c'était le chien de mon père, parce que c'était un chasseur, mon père. Donc il y a eu plusieurs chiens. Il y a eu Roulette, il y a eu Daisy, qui sont tous morts dans d'autres souffrances. Et c'était quoi comme chien? Des bâtards, je crois, non? Des bâtards, oui, des chiens, ouais, de chasse, en fait. Ouais. C'était des chiens de chasse. Ouais. Depuis, j'ai un chien qui est à la maison, qui a le droit d'aller dans les chambres et tout ça, ce qui me ravit pas toujours, mais enfin bon. Il s'appelle comment? Pasto. Pasto? Pastorella. Et c'est quoi, ce chien? C'est un berger de Maremme. C'est comment, ça? Je crois que ça s'appelle berger de Maremme à Bruse, exactement. C'est un genre Pyrénées, en plus élégant, plus italien. C'est un chien de berger de la Maremme, qui est une région italienne au bord de la mer, aux Abruzzes, qui étaient des chiens de berger, quoi. Un chien de berger, donc, pour vous, François Morel. Alors, cette année, c'est l'année de la lettre B. Dites-moi, si vous deviez avoir un second chien, comment vous pourriez l'appeler, du coup? Ça dépend du chien. Si c'est un chien un peu chic, un peu mou, on peut l'appeler Baladur. Oui. Si on veut. Oui, si oui. On veut. On peut l'appeler Bêta. C'est pas mal. Si c'est un chien de race, on peut l'appeler Bâtard. Et alors, dans la catégorie des chiens célèbres, c'est lequel, ouais, votre préféré? Rentenplan. Rentenplan? Ouais. Pour quelle raison? Parce qu'il est drôle, non? Si. Je le trouve très drôle. Je le trouve un peu con, cela dit, mais bon... Ah ben, il est très con, mais très drôle. Vous êtes plutôt Rintintin, Lassie ou Pif? Pif, quand même, parce que mon papa votait communiste. Pif donc, en hommage à votre père. Par ailleurs, François Morel, il paraît que les chiens ressemblent à leur maître. Alors, à quel chien pensez-vous, si je vous dis par exemple Dominique de Villepin? Un lévrier, afghan, peut-être. Si je vous dis Nicolas Sarkozy? Un petit roquet. Si je vous dis Ségolène Royal? Une sorte de dalmatien, peut-être. Si je vous dis François Hollande? Je sais pas, je sens plus ça que chien, lui. Si je vous dis Laurent Fabius? Ah oui, c'était lui, le petit roquet, en fait. Si je vous dis Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, il était ministre, c'est ça? Oui. Je sais pas, mais ça n'existe pas, les chiens bossus. C'était François Morel pour la panique au Mangin Palace. I fall off my chair, and I'm wondering how I get down. Cause to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah. Stuck in the Middle with You, chanté par Steeler's Will en 1973, morceau que tu retrouves sur la bande originale du premier film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, en un mot, un chenil. Alors, après avoir essayé de décrire ce que peut être la vie d'un chien, il est grand temps maintenant, à 11h34, de découvrir ensemble les résultats du grand concours canin qu'a imaginé pour toi la panique au Mangin Palace. Ce concours secret a été organisé entre les chiens des différents candidats à la prochaine élection présidentielle. Oui, comme chacun sait, les présidents de la République ont toujours eu près d'eux un clébard. Giscard a eu Jugurtha, un labrador, Mitterrand a eu Baltic, un labrador aussi, et président Chirac, lui, il a Sumo, un bichon maltais. Alors, dans la perspective de l'onction suprême en 2007, l'équipe de la panique au Mangin Palace a organisé secrètement cette semaine un concours canin sous la pyramide du Louvre. Quelques-uns des candidats potentiels à l'Élysée sont venus nous présenter leurs chiens. Il y a eu un tirage au sort pour désigner l'ordre de passage et, sur un tapis en velours pourpre, la première candidate à défiler devant nous avec son clébard fut donc Michèle Alliomari, tout en chorégraphie. Le tout qu'elle a, ça m'émère. Il s'en va clopin, clopin. Il mène une vie pépère et sourit à pleines dents. Le dimanche, c'est jour de promenade. Et quand il pleut son manteau sur le dos, il s'amuse avec ses camarades à sauter pieds joints dans les flaques d'eau. Avec sa propriétaire, les voilà dans un salon de thé, dégustant à la cuillère deux assiettes de crème glacée. Alain Bougrain-Dubourg, le président de notre jury, semblait assez sceptique après le passage de cette première candidate. Trop typée. Suivant. C'est alors que nous avons appelé le deuxième candidat à venir défiler sur le podium avec son chien présidentiel. Il s'agissait de Dominique de Villepin qui, dès son entrée, au pas cadencé, nous a présenté son cornio. Prosper et yop la boum, c'est le chéri de ses lames. Prosper et yop la boum, c'est le roi du macadam. Il a de la classe et du flair et yop la boum, Prosper. Sans surprise, le jury a immédiatement reconnu ici le panache du Villepin, mais l'a jugé trop prétentieux. Suivant. C'est alors que s'est pointé devant nous le troisième candidat avec son chien. Oui, assurément, c'était le grand retour cette semaine de Lionel Jospin qui, lui aussi, avait choisi un numéro en duo avec son cabot. « Suis qu'un clodo, t'es qu'un cornio, tu parles d'un duo. Oh, de ci, de là. » Caha, nous deux on ne s'en fait pas. Tous les copains foutent de ma gueule. Dis donc, ton épagnol. Paraît que c'est le fils d'un lévrier et d'un fer à repasser. Pauvre pomme. Possible, mais quand il est heureux, mon chien il remue la queue. Prêt ? Au lieu de dire des bonivants. Eh ben faites-en autant! Le jury n'a pas hésité un seul instant, trop modeste et trop triste. Suivant. Et là, coup de théâtre. Alors que nous devions voir arriver le quatrième candidat, à savoir Nicolas Sarkozy, c'est président Chirac qui a fendu le rideau et qui s'est présenté devant nous sur le podium dans la lumière des spots. Mais on a très vite constaté que président Chirac, très énervé, avait un problème. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Après ce petit contretemps chiracien, le concours canin a donc repris son ordre de passage. Mais voilà qu'à nouveau, nous avons entendu des cris en coulisses. En réalité, c'était le chien de Nicolas Sarkozy qui venait de mordre le mollet de Marie-Georges Buffet qui a donc dû quitter la compétition sur blessure. Ainsi, avec du retard mais très excité, Nicolas Sarkozy a tout de même fini par rentrer sur scène pour nous présenter son chien. C'est Raoul, mon pitbull, qui l'a trouvé appétissante. C'est Raoul, mon pitbull. Il est gentil mais quelle descente. Il aime jouer, il est cool. Mais s'il a un petit creux dans le ventre, il te croque dès que tu rentres. C'est Raoul, mon pitbull. Là, aucune hésitation. Le jury a fermement tranché, trop énervé. Nicolas a protesté, faisant valoir que les communistes avaient volontairement surexcité son chien pour le disqualifier. Mais le jury n'a pas fléchi. Et dans la foulée, nous avons appelé, suivant, le cinquième candidat, à savoir François Bayrou, qui lui est arrivé tel un chien dans un jeu de quilles avec son toutou à ses pieds. Bayrou s'identifiant sans doute totalement à son nouveau compagnon canin. Je suis un chien de berger, un berger des Pyrénées, le gardien du grand troupeau. Où jouent les petits agneaux. Le jury était alors au bord du fou rire, mais a su conserver son sérieux pour rendre son verdict trop impossible. Suivant, c'est à ce moment-là qu'est intervenu un nouvel incident. Un chien du concours s'est pointé seul sur le podium sans son maître. Durant quelques secondes, tout le monde s'est interrogé pour savoir à qui il appartenait. Avant que ne surgisse en courant derrière ce cornio, le sixième candidat, tout essoufflé, à savoir François Hollande, qui avait l'air si heureux de retrouver son chien, comme s'il avait retrouvé son programme pour le PS. Il était où le gentil Tiyuki? Où il était le gentil Titoutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Tikiki? Et où il est le pépère Ouawa? Yuki, c'était où c'est qu'est son pépère? Il était où, hein? Son papa? Le bon pépère que son kiki préfère. Où c'est qu'il était son papi et son pépère? Où c'est qu'était? Où c'est qu'il était le yuki, le gentil kiki à mamie? Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça? Le jury est resté sans voix face au chien de François Hollande. Là-dessus, nous allions appeler la septième et dernière candidate, mais excédée par les pitreries de son compagnon, Ségolène Royal a mis fin brutalement à notre concours canin. Surgissant des coulisses, elle a pris François par le bras et, de manière autoritaire, nous a déclaré « On ne traverse pas entre les clous, comme les mêmes et leurs toutous. On est très anticonformiste, on aime le risque, on aime le twist. On ne fera rien comme maman jusqu'à l'âge de 25 ans. On n'est pas des chiens. » Et c'est ainsi que le Mangin Palace n'a jamais pu décerner son grand prix canin du potentiel futur chien présidentiel. Cela dit, nous avons tout de même pu vérifier la véracité du bon sens populaire selon lequel le chien ressemble souvent à son maître. Quoi qu'il en soit, avant de rejoindre nos deux molosses Monique et Jean-Claude, approche donc vers la piste et même si t'es nul, balance la papatte. Gère la piste, même si t'es nul. Bouge la patte, appelle tes potes et patte, nous continue. Augmente le level si l'ambiance diminue. Chauffe les qu'il se met tout nu. Fais des zigzags, exagère le ridicule. Bislo est aux aguets. J'examine ton style, pas de navet. Quoi qu'il arrive, fais des phases et passe. Les pros, prends ta place, balance la patte. Danseur, amateur ou professionnel, bouge la patte sur la piste. Au milieu de la piste de danse, que les corps s'entremêlent de façon plus que dingue, toutes les dindes se déhanchent. La règle est aussi bête que cette danse, n'a ni queue ni tête, à toi de trouver toutes sortes de galipettes. This is the balance of Pat, when niggas be breaking it back. Up and got your cardiac, racing like Pat up and Pat. Rapper like Rat-a-tat-tat, from a Uzi automatic. But we ain't bringing no static, no we ain't getting dramatic. We just shaking our body chaotically in the party. Making them ladies get naughty from LA down to Saudi Arabia, we body rocky cause we rock the body. We tick-tock and don't stop like a slotty-dotty. Danseur, amateur ou professionnel, bouge la patte sur la piste. Montre-moi tout ce que t'as, bébé, toutes tes phases les plus emmêlées. Je veux les voir détaler, fais péter les pas les plus décalés. Balance ta patte avec des mouvements que personne ne puisse égaler. À toi de venir nous régaler. Ici, ton professeur de pack te postera au tapis. Nul ou professionnel, on est parti. Secoue tes coudes au taquet, faut que ta tête pique vers le sol et t'auras fait la chicken dance sans le savoir. Entre dans les cercles, cette tournée sur les fesses, cette tour que cette foule croule sous les fesses. Depuis ton bras, va te le dis, j'ai puis ton bras à genoux. La pose est exigée pour les fins de combat chez nous. Danseur, amateur ou professionnel, bouge la patte sur la piste. La patte, Sayan Supakru dans l'album Hold Up en 2005, parce que l'une des premières choses que tu apprends à ton chien, eh ben, c'est de donner la patte. Alors, pour poursuivre notre promenade en compagnie des chiens, il est nécessaire maintenant, à 11h45, de retrouver nos deux fidèles compagnons, les six cabots Monique et Jean-Claude, qui, la semaine dernière, ont vécu une aventure canine que nous allons te raconter. Il faut tout d'abord te dire que Monique et Jean-Claude sont les heureux maîtres d'un husky qui répond au joli nom de Turin. Sans doute parce qu'en ce moment, l'actualité du ski, c'est Turin. Jean-Claude, il lui avait tout appris à son chien. Assis, gentil, couché, debout. Donnez la papate, donnez la papate. Assis, gentil, couché, debout. Donnez la papate, merci beaucoup. Au début, c'était cool le husky. Chiot, il était mignon. Mais en vieillissant, l'animal avait pris de la place dans l'appartement. Et puis, le Jean-Claude était de plus en plus souvent obligé de faire des crises d'autorité. Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Fais pas si, fais pas ça, patata pour tout le cadet. À cheval sur mon bidet, la la la, la la la. Devant les crises d'autorité répétées du Jean-Claude, la semaine dernière, le chien en a eu marre et il s'est barré. Oui, il est parti. Il s'est tout simplement sauvé. Jean-Claude, il ne comprend pas que son fidèle compagnon se soit fait la malle. Jean-Claude, avant de se coucher, il appelle son chien de tout son être. Reviens, l'aventure avec toi c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Monique, elle, est très étonnée. Elle ne pensait pas que Jean-Claude puisse être malheureux pour un kleps qu'il traitait sans cesse de sale cabot et à qui il filait des coups de latte. Mais Jean-Claude est obligé d'avouer l'émotion que lui cause le départ du chien. Une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je croyais pourtant bien jouer la comédie, mais une petite larme m'a trahi. Monique essaie de le consoler comme elle peut. Elle lui dit que maintenant, le soir, après le film, il ne sera plus obligé de sortir le chien sous la pluie et de ramasser à la main ses déjections. Monique, elle lui dit à Jean-Claude que ce n'est pas grave parce que, de toutes les façons, le chien, il était vieux. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment. Et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. Bon, le chien qui s'est enfui, il était vieux. Alors, pour que Jean-Claude ne reste pas dans cet état, Monique décide de lui offrir un nouveau toutou. En plus, ça tombe super bien, c'est l'anniversaire du Jean-Claude. Monique, elle n'avait pas d'idée de cadeau. Un chien, ce sera super. Monique, elle demande tout de même à Jean-Claude s'il veut encore un chien de race. Mais non, Jean-Claude, lui, il n'en veut plus des chiens de race. Trop capricieux. Je veux un chien, un petit bâtard sans estampille, qui serait en somme comme qui dirait toute ma famille. Un chien abandonné par des gens sans cervelle, et que la SPA aurait pris sous son aile. La la la la la la la la. Ok pour un bâtard. Monique et Jean-Claude se rendent donc au foyer de la SPA le plus proche et passent en revue les bestiaux à adopter. Ils sont tous plus ou moins mignons, mais à la vérité, Jean-Claude, il ne songe qu'à reprendre un Yushki orange. Dans son coin, Monique, elle a un coup de cœur pour un caniche. Je veux un chien, un petit bâtard sans estampille. On va la refaire. Il ne songe qu'à reprendre un Yushki orange. Dans son coin, Monique, elle a un coup de cœur pour un caniche. Je veux un chien, un petit bâtard sans. Et c'est pas grave, on continue. Hors de question qu'elle le prenne, ce caniche abricot. Lui, vivant, Jean-Claude n'accueillera jamais sous son toit ce caniche abricot. Il pose son veto. Monique est furax, elle voulait lui faire plaisir pour son anniversaire et voilà comment il la traite. La soirée d'anniversaire s'annonce tendue. Le soir, dans la maison sans chien, l'ambiance est plutôt morose pour fêter l'anniversaire du Jean-Claude. Monique fait la gueule et a servi en guise de gâteau d'anniversaire des petits beurres. Les enfants, Rémi et Elsa, ne savent pas trop quoi dire, alors ils se taisent. Jean-Claude, lui, pense à son chien disparu. Son chien, c'est au monde la personne qui le comprenait le mieux. Quand tu reviendras, ce sera bien, bien, bien, ouais. Quand tu reviendras, ce sera bien, oui. Quand tu reviendras, ce sera bien, bien, bien. Tu seras chez moi, tout comme chez toi. Soudain, toute la famille sursaute, car il se passe quelque chose. Dans le jardin, un chien aboie. Jean-Claude se précipite. Oui, il l'a reconnu, c'est Turin, son Yuski, qui est revenu lui souhaiter un joyeux anniversaire. Jean-Claude prend alors l'animal dans ses bras et plonge ses yeux dans les yeux vairons du chien. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Les enfants, eux, sont fous de joie. Le chien est de retour. C'est le bonheur assuré dans la famille. Leur père va enfin les laisser tranquilles parce qu'il va pouvoir passer ses colères sur le kleps. Oui, les enfants sont très heureux du retour du chien. Grand merci, Saint-Antoine, de m'avoir rendu mon chien. Grâce à vous, Saint-Antoine, j'ai retrouvé mon copain. Grand merci, Saint-Antoine, de m'avoir rendu mon chien. Grand merci, Saint-Antoine, du retour du chien. Fin de l'histoire. Le Youski de Jean-Claude est revenu après une petite virée. Monique n'a pas eu son caniche Fabrico, mais elle a une idée en tête. À la place du caniche, elle pourra toujours adopter un chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua, yeah, that's cool, alright. It makes fun, and the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out loud. Chihuahua here, chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Chihuahua. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. Space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua, chihuahua here, chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Oh, chihuahua. Chihuahua. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Shout, chihuahua. What it's all about, chihuahua. What can bring you love, chihuahua. Oh, chihuahua. Chihuahua, énorme tube de 1955, repris par DJ Bobo en 1998, parce que si tu aimes les chiens, tu dois aimer tous les chiens, même les plus laids, y compris les chihuahuas. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de l'univers canin. De la chienne Laïka dans l'espace à Cruella dans les seins dalmatiens, d'Anubis à Mirza, du Tekel à sa mémère au Husky de Jean-Claude, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être la vie d'un chien. Le chien, c'est le premier animal domestiqué par l'homme. Leur histoire commune s'établit sur plusieurs millénaires à tel point qu'aujourd'hui, la présence du chien, le meilleur ami de l'homme, je te le rappelle, a pris une place considérable dans la vie quotidienne. Désormais, il existe des psys pour les clébards, des pâtisseries spécialisées, des cimetières, des salons de beauté, des accessoires de luxe. Bref, si tu as le bon pédigré, une vie de chien, c'est pas si mal. N'hésite pas à aller en adopter un à la SPA. Combien pour ce chien dans la vitrine ? ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine? Eh bien, c'est d'accord, je le prends. Par ailleurs, depuis un siècle dans la culture populaire occidentale, le chien a également toute sa place. De Rintintin à Milou, de Lassie à Mabrouk, de Droopy à Snoopy, certains corgnaux sont même devenus des célébrités mondiales. Et c'est normal, parce que quand tu y penses, le chien fait preuve d'une fidélité sans faille envers l'être humain. Un chien, ça a presque des vertus thérapeutiques. Si tu vas pas bien, achète un chien. Achète le cafard, achète un clébard. Si tu n'as pas de peau, achète un cabot. Si tu manques de pépites, achète un clébard. Alors maintenant, pour terminer et élargir notre regard sur les chiens, la panique au Mangin Palace a décidé de s'intéresser aux tribulations canines des chiens chinois en Chine. En Asie, il n'y a pas que l'épagneul japonais chouchouté au palais impérial de Tokyo. Il y a aussi les chiens chinois. La presse des dernières semaines nous a proposé deux visions antinomiques de la vie de chien en Chine. Tout d'abord, selon Le Monde 2, il faut se souvenir que les clébards étaient adulés à la cour impériale de la cité interdite. Chacun avait un ou deux serviteurs, nous dit-on. Après les années noires de la révolution culturelle pour les chiens de luxe, c'est aujourd'hui le grand retour du toutou chouchouté. Rien n'est trop beau pour les chiens de la nouvelle élite chinoise. Pour ces chiens-là, en effet, l'année du chien, c'est cool. En revanche, selon Libération, à côté des chiens nantis, c'est chaud bouillant pour les autres. Parce qu'en Chine, la SPA, c'est un peu Rungis. Tu l'achètes au kilo, ta viande de chien. La chair la plus recherchée, c'est celle du Saint-Bernard. Mais attention, à tuer à coups de bâton ou à pendre, l'adrénaline rendant la viande du clébard plus tendre. Et puis, la fourrure sert aussi à faire des manteaux, parfois exportés en Europe. Comme quoi, de Shanghai à la Bastille, on l'aime bien, Nini Pochien. Bastille, on aime bien Nini Pochien. Elle est si bonne et si gentille qu'on aime bien. Qui ça? Nini Pochien. Où ça? La Bastille. C'est Patachou qui chante Bruant dans les années 50. Voilà, fin du 24e épisode. C'était C'est quoi le chien? Revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure totale foutraque et archi loufoque. C'était Panique au Mangin Palace, ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux, merci beaucoup à lui. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui de Julien Dumont et de Alain Gadan, merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Kaldi. Merci beaucoup Amel. Pour les Scuds, on a Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aux documentalistes de l'INA, à Catherine Pinto. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao, il est midi sur France Inter. Il y a le feu dans le studio, je continue.